nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gerriou Arvué, l'émission Père Hand Triwer 418. Et aujourd'hui, Henri va nous parler du mot POC. POC, oui. Oui, c'est un mot, en fait, qu'on entend beaucoup dans le breton d'aujourd'hui. Hein, par exemple. Parce que, donc, il veut dire baiser. Donc, voilà. Un baiser, une bise, un cuic, un bisou. Il y a toutes sortes de façons de dire ça en français. Et donc c'est un mot qu'on retrouve dans toutes les langues celtiques. Hein. On le retrouve aussi en cornique, en gallois, en gaélique d'Irlande et en gaélique d'Écosse. Et pratiquement toujours sur ce, avec cette prononciation-là, POC. Donc c'est un mot très répandu. Hein. Mais dans le Craigsbrays ici, on l'utilisait pas. Enfin, j'ai jamais entendu quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, on disait hors bouche, bouchade, hein, bouchade de merde, hein, on embrassait les filles. On disait ça, croque de bouchade de merde, il commence à embrasser les filles. Il y avait une autre expression, on disait croque et big nisquarn. La pie a commencé à lui mordre l'oreille, je sais pas d'où ça vient. Ça voulait dire, il commençait à frire. Oui, croque et big nisquarn. Donc, un garçon ou une fille d'ailleurs, hein, ça, qui commençait à fréquenter comme ça le sexe opposé, on disait Krog et Bignisquarn. Voilà. Alors donc le mot POC, hein, donc pluriel POCU, hein, donc qui viendrait, alors selon Albert Day, ça viendrait du latin pax, qui veut dire la paix. Donc effectivement, le baiser est un symbole de paix. Hein. Mm-hmm. Avant d'être un symbole d'amour, même c'est un symbole de paix. D'ailleurs, on dit toujours le baiser de paix. Hein. Voilà. Et dans les sociétés antiques, c'était très utilisé, hein, comme signe de paix aussi encore aujourd'hui. Hein. Enfin, chez certains peuples, hein, plus ou moins, chez les Russes par exemple, on s'embrasse beaucoup. Hein. Voilà, il y a des embrassades. Hein, on voit ça. Et dans notre société aussi, on s'embrasse de plus en plus. Hein. Quand j'étais gamin, justement, le fait qu'on n'utilisait pas beaucoup le mot, c'est qu'en fait, la chose était assez rare. Hein. Même dans les familles, on s'embrassait pas beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu. Voilà. Donc nous, on disait bouche. Hein, et alors là, ça vient du français, hein, la bouche. Hein, c'est un contact de la bouche hein, qui vient du latin bouca. Hein. Voilà. Donc il y avait le pluriel, c'est bouchou. Hein. Le verbe bouchade, hein, participe passé bouchade, hein. Bouchendestin, hein, il m'a embrassé, voilà. Bon, j'ai dit, hein, krog et der bouchade der merde. Donc, poc, pocou, dans le breton d'aujourd'hui, hein, par exemple, les enfants hein, qui font du breton à l'école connaissent bien ce mot-là. Donc, on dit, alors pour donner un baiser, on dit pocan, mais souvent on dit Reynor poc, hein, plutôt donner un baiser que pocan. Hein, d'autant plus que pocan, il y a un autre verbe qui est pokin, et qui veut dire, qui est tout à fait différent, puisqu'il veut dire frapper. Hein. Ah oui, ben, oui. Faut pas qu'il y ait de malentendu. Oui, oui, oui, faut pas qu'il y ait de malentendu. Hein. Donc, par exemple, qu'on l'utilise quand on joue au boule, hein, on tire à poc. Hein. Voilà, tenant war bok. Donc là, c'est un choc. En fait, c'est sans doute une onomatopée en fait qui a donné pok. Hein, c'est le bruit de la boule qui tape sur l'autre. Hein. Voilà. Et donc, alors il y a quelques dérivés de pok aussi. Pokaden, hein. Pokaden qui est une embrassade. Or bokaden, hein, c'est un mot féminin. C'est un peu une embrassade à la russe là, hein, une embrassade vraiment où on se saisit c'est peut-être parce qu'il fait froid dans ces pays-là, quoi. Il y a un mot, alors, qui est assez amusant, c'est poker, hein. Poker, c'est celui qui embrasse, quoi. Et pas celui qui joue au poker, quoi. Voilà. Donc, et oui, je parlais de poc, il y a aussi le boule au poc, hein, qui est un jeu spécifique, hein, à Gare-Lesquin, par exemple. Il y a le championnat du monde. Le championnat du monde de boule au poc, hein, entre les nordistes et les sudistes. Hein. Voilà. Mais alors, Alors au début, je pensais qu'il y avait un lien entre Poc le baiser et puis Poc, puisqu'on peut dire aussi qu'une boule embrasse l'autre. Hein. En fait, c'est probablement une onomatopée, quoi. Hein. Voilà. Eh ben, beaucoup de tout nendut. Trugariri. Yeah. On passe à la deuxième partie de l'émission. Brisonnec, temps ma temps. Oui, pour cette deuxième partie, aujourd'hui, ce ne sera pas un dialogue à Zantol. J'aime bien de temps en temps parler de personnages du coin ici. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de Grégoire de Rostronin. Ça m'est venu comme ça, parce que l'autre jour, je pensais à Rostronin, comme ça, puis je me suis dit, tiens, j'ai jamais parlé de Grégoire de Rostronin. Alors, Grégoire de Rostronin, c'était un capucin, un prêtre capucin, qui était un prédicateur. Donc qui était un spécialiste des sermons et des en particulier dans lors des missions, c'était au XVIIIe siècle. Et donc il a écrit en 1732, enfin il a écrit pendant il a mis très longtemps à écrire ça puisqu'il avait commencé à faire des collectes de mots dans tous les évêchés de Bretagne à partir de 1700, c'est ce qu'il raconte lui-même dans la préface de son dictionnaire. Et il a publié son dictionnaire en 1732, donc un dictionnaire qui part du français vers le breton, et donc un énorme ouvrage, hein, puisqu'il a travaillé 30 ans dessus. Hein. Et alors, il y a justement une préface, là, tiens, tu vois à quoi ça ressemble, on n'a pas de caméra, mais... Hein. Donc... une préface, qui déjà vous le dictionnaire à nos seigneurs des États de Bretagne. Alors comme ça se faisait à l'époque. Donc bon, il commence par louer bien entendu l'efficacité et toutes les qualités des États de Bretagne. Hein, donc qui étaient composés de la noblesse. Du clergé et du tiers état, donc il donne des compliments à tout le monde. C'est ce qu'on fait en général quand on veut être publié, voilà, ou quand on recherche des subventions. On disait pas ça à l'époque, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc cette préface est très intéressante parce que il raconte la façon dont il a travaillé, c'est-à-dire en faisant du collectage. Et puis à la fin de l'ouvrage, d'ailleurs, il y a une bibliographie, ce qui était assez nouveau pour l'époque, hein, on n'avait pas l'habitude de faire ça, où il explique tous les ouvrages qu'il a utilisés également pour faire son dictionnaire. Donc pour rendre hommage aussi à ceux qui ont travaillé avant lui, par exemple, il cite par exemple le père Monnoir, hein, qui avait également écrit un dictionnaire, et puis également d'autres gens qui avaient écrit des lexiques, des petits dictionnaires, ou bien des traductions de textes souvent religieux, puisque à l'époque, hein, c'était souvent des textes religieux. D'ailleurs, il explique que son but en faisant ce dictionnaire-là, c'est d'aider les prêtres plus ou moins bons bretonnants à travailler leur sermon en breton, puisque il y avait une règle qui disait que dans les paroisses de Basse-Bretagne où on parlait breton, le recteur devait être obligatoirement, ou le recteur ou le vicaire était obligatoirement bretonnant. Et donc il a alors c'était pas le premier dictionnaire en breton, hein, le premier c'est le fameux Catholicon, hein, qui est un dictionnaire français latin breton. Et après il y a eu celui du père Monnoir, mais alors celui-ci il est très intéressant parce que les exemples qui sont donnés sont très précis. Si bien que non seulement c'est un dictionnaire, mais c'est un ouvrage d'histoire, parce que on peut à partir de là imaginer beaucoup de choses sur la vie de nos ancêtres. D'ailleurs, par exemple, il y a Jean Le Talec là qui a écrit sur la vie des Bretons sous l'Ancien Régime, et qui a beaucoup utilisé le dictionnaire de Grégoire de Rostronin, puisque là-dedans on trouve des exemples, hein, qui décrivent parfaitement le mode de vie des gens à cette époque-là. Et dans son ouvrage, là, Jean Le Talec a mis en parallèle le dictionnaire de Grégoire de Rostronin et puis les dessins d'Olivier Perrin, qui sont 70 ans plus tard, mais enfin, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas une évolution galopante comme aujourd'hui. Donc, les choses étaient relativement stables, quoi. Alors, Grégoire de Rostronin n'est pas de la famille de Rostronin, parce qu'il y a une famille qui s'appelle de Rostronin. Mais il ne fait pas partie de cette famille-là, c'est simplement un surnom qu'il s'était donné, et en fait, on connaît pas son nom réel, quoi. Ah, c'est une énigme, on connaît que son nom, quoi. Son nom de plume, en quelque sorte, quoi. Grégoire de Rostronin. Et alors, il y a beaucoup de passages dans le dictionnaire qui montrent qu'il était effectivement basé à Rostronin, puisqu'il privilégie le breton, on dirait le breton ficelle aujourd'hui. Mmh. Qui était la langue courante à Rostronin à cette époque-là, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est un ouvrage qui a fait date et qui réserve encore des surprises à ceux qui travailleront dessus, quoi. Alors, on peut se le procurer. Alors là, c'est une réédition, hein, de 1834. Je vois que c'est marqué Google en bas. Oui, de page. Voilà. Ça fait partie du trésor de Google, hein, et donc on peut se le procurer par internet, quoi. C'est pas moi qui ai fait ça, hein, c'est Gosselm, hein, qui m'a aidé pour ça, quoi. Mais c'est vraiment extraordinaire, hein, tout ce qu'on peut trouver là-dedans, quoi. Rien ne leur échappe. Voilà. Ah oui, oh non, rien ne leur échappe, non, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est la réédition dite de Jolivet, hein, en 1834. Très bien. Voilà, et ben voilà pour un petit mot sur Grégoire de Rostronin. On passe à la troisième partie d'émission. Thank you. troisième partie d'émission. Petra zo neve ar vo eri. Kal se draou zo neve bavro evel jus bo ar vej di ouzan. Krogom de diantan evel kiz a kustum, gant de labour douar hag vue war ar mez. Erion breman ba neve amzer, e gwan eus obet kloa, a skorn an eus kebet nag amzer yin pe velar an mat. Med dour zo bet dour a gravel zo bet leis. Ezom vef ebet breman kad un tom amzer zir, un tom amzer vrav, de zir an douar hag vin ma vef ebet ez dor e labourioù, war a parkeia. Nevezo ba pari zo bet salon zo labour douar, a kal zo brizio zo bet reo e dor vretonet. Kouls vid o londet vel vid ur bouet, produ e d'ormon ur gist a pouedel, trowel, hag zo bet kal zo medaledo, a zo bet roet, kal zo vedaledo, zo bet roet ur vretonet. Hag deus meus kled zo bet kal zo dud, ba salons, pizur zo bet spen 50.000 ar blamant. Nor ke bet ba salons? Non. Non, non, minon. Minon ke bet de blanc, met ma trezen bet de blanc, wel vo. De vez me de gontin ket ar kalz de zon endro, met de l'arrerin o ne ba gerio di war ben ar politik erez. Un del, ba mon tour le zo abe de emvo de meur ur bonnet d'o ru. Hag ar zo de tud de se per an evro un tam, gant bonnet d'o ru a banye l'o gwenadu. Hag bon zo bet kalz e dud war d'o tripe per mil, war anke just, pesa deus velard dern lar a tripe per mil, dern lar a mur. Hag gret oa bet gant bonnet d'o ruz zo bet gret kaier ou klem, on tam vel oa bet gret rog un dispar, kaier de doléance. Hag bon kalz e draou zo bet skrivet ba war a haier aouz, hag setu zo gret kinigou gant bonnet d'o ru vid amzer de zon ur vro. Bon, quoi, le vôtre pèse à mot de mon compte, beau compte, hein. Bon, les deux runes speed de Fanche Hollande, dont de Velné, mais n'est que sûr, te fait, même, Stra, où elle vaut. Bon, calze drove, zo, hermar, et moi, on tombe reuse, à gond tombe, tombe brute, bavro, quand on vote à des goûts. Hag, plusieurs, un évé amser, zo, ordine, amser, vote à des goûts, hein. Alice, vécrède, vote à des goûts, bamis meurs, pétromon, bamis ébol, blanc me vaut bamis meurs, ager blamant, y'a, justement, vote à des goûts, vide or parousiou, vide, gusulérien, agumériou, à calze dudes au wararank, virion ne, dis henvel et entro, hervé or parousiou, blasouzo et bêtster, caratude dans wararank, mames bon vejo vek ka trawar vek ka de hinibin mames ave juan don dormer a galerel zo kalz a in niverus hein lor ler zo di ou peder listen hein gwegel vije gwel den du de glas ke mon war rein gis ye de gambali hein vije du de fale re wa kas mon ba husil ba hansai hag bon peyan ban hau d'ur botre da regali ar mer hat gant lot seir pe tramant gant pakedou kafe. Echue nam zor zin hag bromen ve neptor heureuse ve vil gwejel goz gant zin. Ve gwel gwel vetu de monte gambal ime pas tiem edel me mestra. Bon, blam vo gred vel just zo bet komz eo deus bep sort trao, ya. Juan wale lard, komz eo zo bet deus an brezon eo ba vid ar vot adegou, pez oa vijek e gret gwejel. Gwejel, na mam, neus ket gwal pelzo, bet a bremant vijek komz eo deus an brezon eo na deus zevela du revro. Vid ar vot adegou, komz eo vijek deus an nechou, deus avadurioù, deus an ekonomiez, mais j'ai que comme de ce brison de hein. Oh là là mon compte de si hein Zelta vel va fait bid on dra loose benek da on dra didal ve un bon ag blanc me so be commence de gonse de si puis tu reso betude vel réseau ba ita hein de goul quand un du doit avoir un ring pet jonge vika sur brison de guaro aziz on dra van de gaftine hein. Bon alice vet tape fal réseau un dileni di ag réseau a ring et vite répondre, hein, puis dire, que Béjon, je calse, basé, bétac, vraiment, Jean-Gel Rand, ben, le Végel, vous comme, mieux, arroise de C, mais, de, bétac, vraiment, PVG, comme, de Zévénadur, et comme de Zevina Durdigas de Zlerhel. André Malraux, il soit tient tant de ministres Zevina Durzobé de Bavrovrance. L'arrêt une gare, là, qui veut juste, hein, Malraux nous arrête que présent, le gars, disons clair. À l'arrêt, grâce aux maisons de la culture, ce qui est produit à Paris sera vu dans les 6 mois en province. De l'arrêt, évitant Zevina Durzobé. On droit crou et de Paris, la casse de, ou à l'air de plus que de mes défis, quoi. Zo chomba l'air elle, ag spirance zo chomba, hein. Beta vraiment. C'est une bonne, Alice, Ndileni, Ninan, que calze respond, chou d'or, hein. Pévé comme c'était de C. Mais de, jongeal rand ben végel, ouais, au comme de mur, ouais, de C, quoi. Bonne, Fission montant mordache en leur politique eres, ba misme, ben mordugen de smisme, vota dégouras, vite bro Europa. Ag, azezo seiskan hanter, député de gaz de parlement de bro Europa, bénéfice. Ag, dig, au nom noir dig de zun député, ze vos dilemmes de grande bro France, hein. Bonne pudeurs au pers et gatriu, une vite bro France, hein. Pesera au nom noir dig, juste, hein. Bon, mais de si vous comptez vos, hein, de rogue mismé, hein, vos trop de comptes de si vos. Warda, chenor, zévina, dur, veder, mat, troc de l'arde, hein, bah, vro, en plus dur, zévina, dur, zo, pinvic, tré, d'asquer, bon, aïe, adar, et amzer, kander, bob, bah, fine, misé, vol, vos grèdes, n'aime, votre bras, bah, pondi, à gazer vos gueules roises, à vos clèves, hein, zonérienne, cornérienne, contérienne, la bob sortude, la bourrate, wardachener zévénadur, ager scoliou et vel juste, hein, ce zor bija dur dermat, clède, vugal et au combs brésonneux, hein, que canna au brésonneux, mais rogue et vel juste, vos nem vaudou, vel vos, bah, melcarez, bah, une très grande de ze mismeurs. Ag, bah, mismé, vos redad, hein, vidant Brezon, très mon tour le Zagron vel, mais pas voir une, hein, plus dur, 1050 kilomètres, très, très mon tour le Zagron vel, hein, Rederien. Ag, bon, et je suis, Redad, bah, Gron vel, hein, bon, bah, Vidguel, Drugen Gros, la Bénéfine. Ag, Blanc, me ouais que juste un blar tram no quel cleve de meuse tram no redad ba très mal gat ba tier gris tag ba vro en mon tom ag no que stern montevelne a de rei la courage des hein de haloupada ka bon un rei niveau one hey de haloupada bon puis guir on comes ba on comes de ce son erreur hein ba kalak zo war stern au school son erreur à Mayama d'un trou, et vos digor, ben, un distroscol, ben, mis guengolo, ben, locarn, et bé digor, de Warrenton de Bras, Urbourg, Urbourg Monévé, ag, henvers, zo bé de Halnevezet, ag, azewa, au neba de Penou Bras, un drô de notre Homer, hein, brilleur Bozeg, zo Brémont, au hond de Leskeligargue. Et vis déchu, il, me soin de l'art d'un tom ordier, dit war ben Alphonse Arzel, zouette, de nanang ne vaisseau, à gandins, ne zlabour cas, vid or vro, war bub sort trou, mais en ave des dreistol, vid, storm de ce grade, ou à l'air, pensé, namboko cadix, ag, ou à belouze, d'un, no de war vro, gand, un mode spontus, hein. Bon, sais-tu, on tombe trop de voir tous pessonner vers vous, gueulard, ramdar, kélavo, chilo, aérien, de ze belle à de ze dost. C'est Norvégel. Norvégel, Eri.